pas une chaîne de fourmilière du blé des tiam. Tiam, tiam, tiam, tiam, la fourmi veut pas donner son miam, miam. Anneke ne voit, petite fourmi, relasque, pendant que n'avait ni stéréo fifi. Les mini crasquettes, les lave-cresselles, branque et néfrigérateur. Elle va au buffet du midem, elle butine dans les cocktails à cannes. Canne, canne, canne, canne, la fourmi veut pas donner son miam, miam. Ring, tiens, qui n'est-ce qui ring? Ah, c'est des sécrans superstars qui vient chercher une fourmi pour nous faire une émission en avis de recherche à la télé. Et ne suppose qu'il ne vient faire des grosses bouffes. Oh, juste une petite bouffe, coco. Allez, ne faire foutre, ne mis ton miam. Ah, mais c'est des pétasses. Ça nourrit pas son insecte. Je n'ai rien à manger, c'est un drame. Dram, dram, dram, dram, la fourmi veut pas donner son miam, miam. Ring, tiens, qu'est-ce que c'est qui grigne? Mamou, mamou, c'est les bronzes de Krishna. Ne connais-vous les papiers nus? Et ne viens échanger les miams de l'esprit contre les miams du frigérateur. Allez, ne faire foutre, ne saltimbranque. Ah, oh, mais c'est nétique. La fourmi veut pas donner son miam. Moi j'en ai ras les antennes, je vais déglinguer la fontaine, ce macho qui n'aime pas les six crânes.